Chapitre 2. Valentine retourna chez Jeanne en voisine. Elle y entrait à tout propos, avant d'aller à ses visites et aussi lorsqu'elle en revenait. Par les beaux jours, elle profitait du jardin. Elle rencontrait Foutrelle, quelquefois Husselin, venu pour la surveiller. Fauvarc était là, en plein air ou dans l'atelier. Le peintre était régulier dans son travail. Lorsqu'il ne peignait pas, il ne manquait pas d'ouvrage. La maisonnette, remise en état, exigeait une surveillance attentive. En l'apercevant tout à coup, debout sur la pointe des pieds, à l'extrémité d'une échelle trop courte, inspectant la gouttière ou les solives du plafond, les deux femmes étouffaient un cri. Elles partageaient les mêmes émois. La distraction la plus ordinaire de Fauvarc était la menuiserie. Il sciait les planches de sapin, fabriquait des sièges, des tables, des bibliothèques qu'il peignait ensuite et qui s'en allaient meubler son intérieur. Les pièces inhabitées furent aménagées en vue des camarades qui auraient un jour besoin d'hospitalité. Il fabriqua même des lits où les Centilès tinrent à s'étendre pour les éprouver. À l'heure du thé, on se réunissait. Valentine appelait son mari en agitant une clochette. Centilès descendait. Il eût embrassé tout le monde tant il était heureux. Il tournait autour de Jeanne, lui proposait son aide, voulait transporter les tasses, elle le renvoyait en criant. L'après-midi passait vite. Carlos partait le premier, et souvent au moment de dîner, on l'entendait héler de là-haut. « Loulou, Loulou !»« Mon Dieu !» criait Valentine, qui s'était oubliée. Et sans prendre le temps de saluer ses hôtes, elle se dépêchait de monter. Les Centilès connurent les amis de la maison. Guillaume se montrait généralement vers la fin de l'après-midi. Il refusait aussi bien à boire qu'à manger. Il ne parlait pas, semblait ne pas écouter, mais il aimait à se sentir là. Quand on lui demandait de réciter l'un de ses poèmes, il répondait poliment « non merci ». Maxime Legris venait plutôt après dîner. Grand, mince, timide, il ignorait l'art de se trouver un siège. On le voyait debout quand tout le monde était assis. Jeanne lui disait « Puisque vous êtes debout, chantez-nous les mélodies de Moussorgski. » Le sachant Pstizique, Centilès écoutait, profondément ému. « Cela doit vous fatiguer de chanter, » lui disait-il. « Cela me tue, » répondait le jeune homme. Un jour, parut en coup de vent, un gros homme brun d'une laideur saisissante, et une femme que paraient au contraire les tons du lait, des roses et de l'or. Lui avait le front bas, les lèvres fines, et sa peau bistrée se tendait sur le nez. Sous la barre sombre des sourcils pétillaient deux pointes fauves. Voici Poteau, le plus grand compositeur et la plus sinistre face du monde, présenta Fauvarc. La seconde moitié de la phrase ne parut pas exagérée à Valentine. La fiancée de Poteau n'était que souplesse et clarté. Rayon de miel, avait coutume de dire Husselin, elle s'appelait Renée Vidil. Fauvarc, la maison de Fauvarc, tel était maintenant l'axe invariable des pensées de Valentine. Dès que Jeanne lui ouvrait, ses yeux partaient à la recherche de Fauvarc, et s'il tardait à le trouver, une angoisse la saisissait. Le voir, elle avait besoin de le voir. Son image en vie, mouvante, sans cesse renouvelée, était l'aliment nécessaire à son être. Aux heures d'absence, les nerfs et la pensée tendue vers lui, elle avait le sentiment de le créer pour la minute où elle descendait. Quand Fauvarc était enfin sous ses yeux, elle croyait cueillir le fruit de son œuvre. Elle rentrait, ivre de sa joie, attentive, le long du parcours à ne rien perdre de cette essence miraculeuse dont son cœur trop plein manquait de déborder. Arrivée chez elle, elle ne résistait plus. Elle se dépensait en paroles. Elle n'avait jamais tant parlé. Fauvarc emplissait la maison. Tandis qu'elle lui racontait deux fois, trois fois dans la soirée des scènes auxquelles il venait d'assister tout à l'heure avec elle, Centilès songeait que ce n'était plus là la même femme. Il l'avait toujours connue indifférente aux hommes, méthodique dans ses actes, intéressée dans son amour, et il se demandait comment elle avait pu garder si longtemps le secret de la fièvre, de la couleur, du désordre dont chatoyaient maintenant ses récits. Dès le premier jour, il avait deviné son enthousiasme et s'était dit qu'il se formait en elle un sentiment qui ressemblait singulièrement à l'amour. Il se le dit, se le répéta, revint souvent sur cette pensée, et il était étonné de l'admettre sans indignation. Il s'accoudait à son chevalet, prenait un air préoccupé et laissait tomber ces mots. « Elle aime Fauvarc !» Cela résonnait calmement à ses oreilles. Il reprenait un accent plus profond. « Oui, elle aime Fauvarc !» Mais aucune émotion ne suivait, pas l'ombre d'une suggestion tragique. Alors il s'avançait jusqu'au guéridon, saisissait entre deux doigts la fleur rouge d'un fuchsia, et d'un ton d'ironie légèrement amer, il se disait « Mon pauvre Carlos, je te découvre, une âme de mari, comment dirais-je, de mari, cela me paraît, oui, vraiment. » En réalité, Santilès admirait trop son nouvel ami Fauvarc pour faire surgir, d'un sentiment qui allait à lui, les images brutales dont se fut nourrie sa colère. Intimement, sans d'ailleurs en convenir, il pressentait que l'amour de Valentine ne pouvait pas aboutir à une bassesse. Ah, certes, il eût souhaité de la voir aveugle et sourde à l'endroit de Fauvarc, mais comment lui reprocher d'être sensible à une séduction qu'il subissait parfois jusqu'à douter de soi? Juin s'achevait par de belles journées. Le quartier rappelait la province avec ses rues désertes, blanches de poussière. C'était l'époque où les Santilès prenaient habituellement leurs vacances. Lui en parla. Valentine fit la moue à l'idée d'un voyage. Il s'empressa de l'approuver. Ni l'un ni l'autre ne voulaient quitter leurs voisins. Les nuits étaient douces, presque toujours étoilées. Fauvarc et sa femme restaient tard dans le jardin. L'atelier répandait alentour sa lumière jaune, arrondie sous les arbres. Elle n'atteignait pas le couple assis à l'écart. Bientôt, dans l'obscurité, le mari disparaissait. Mais on voyait longtemps un point blanc où se ramassait le reflet poudreux des étoiles. C'était Jeanne. Des immeubles gris entouraient le jardin de murailles hautes et abruptes. Obstinément fermé à la suavité de l'heure, il la déversait toute dans le carré d'arbres qu'il surplombait comme une fraîche oasis au creux d'une montagne. Les Santilès, pressés l'un contre l'autre dans la fenêtre, qui s'ouvrait à la hauteur des genoux, encombrés par leurs sièges, ne recevaient qu'à de longs intervalles, accidentellement, la brise qui mettait dans les grisards d'en face un bruissement ininterrompu. « Pousse-toi, Carlos !»« Mais, ma chérie, je suis réellement tout à fait à l'étroit !» Il s'épuisait à exalter les beautés de l'heure. Elle fermait les yeux pour en tirer une jouissance plus complète, mais le jardin, en bas, la fascinait. L'homme qu'elle aimait respirait librement dans la nuit. Elle ne sentait plus, par contraste, que le plafond bas qui l'étouffait. Elle disait sans douceur, « Avec tes longues jambes, il n'y a pas moyen d'être deux à cette fenêtre. » Il se tassait sur lui-même. Elle reprenait d'une voix compatissante, « Non, je t'assure, c'est inutile. Nous pourrions descendre. » Alors, elle jetait vivement une cape sur ses épaules. Il prenait un chapeau, et tous deux se hâtaient de sortir. Du coup, elle était rassérénée. Carlos suivait, content. Ils traversaient la rue. Fauvarc venait leur ouvrir. Tout de suite, il leur disait « Nous allons nous asseoir, il fait si bon. » Jeanne, du doigt, leur indiquait leur place. « Voici deux fauteuils que nous avions préparés pour vous. » Ils ne voulaient rien perdre de l'enchantement où plongeait le monde. Chacun s'asseyait, on se taisait. Cependant, tous n'apportaient pas une égale liberté en face de la nuit. Jeanne et Henri seuls s'en pénétraient pleinement. Valentine et Carlos avaient les yeux fixés sur leurs hôtes, imitaient leur physionomie, prenaient leur attitude, recevaient d'eux leurs sensations. Quand il était tard, Fauvarc secouait les épaules. « Il commence à faire humide, » disait-il. Jeanne se soulevait. « Je crois en effet qu'il faudrait rentrer. »« C'est vrai, » murmuraient les Santilès. On les retenait encore une demi-heure. Tous ensemble, ils rentraient dans l'atelier, rassasiés d'espace. Jeanne tirait sur la baie vitrée les stores de satinette orange, puis elle faisait du thé. Fauvarc aussi pressentait l'amour de Valentine. Il en suivait le progrès sur son visage et savourait en silence la part qu'il s'en épanchait vers lui. Cette femme lui montrait des prunelles magnifiquement pleines, des narines palpitantes. Elle mettait pour venir les robes qui lui seyaient le mieux et se lavait dans des eaux parfumées. Il acceptait ses dons, la regardait, la respirait et au milieu de ses fines et nombreuses jouissances, poursuivait avec elle des relations si courtoises qu'il paraissait tout ignorer. S'il l'avait saisie brusquement dans ses bras en disant « Vous m'aimez ?», Elle lui répondit oui, mais il était trop sage pour assumer un rôle inutile. Après s'éveiller, Valentine se sentait l'âme robuste, heureuse et sereine. Santilès l'accompagnait. Elle se serrait contre lui et soudain s'intéressait à sa personne et à ses espoirs. Elle devinait alors qu'il se livrait à son art avec une ardeur raffermie, que ses projets étaient plus vastes, lui aussi puisait là-bas des énergies qui le renouvelaient. Enrichi par une force étrangère, ils se haussaient ensemble vers un plan de vie supérieur à l'ancien. Mais ils ne voyaient pas encore ce qu'il y avait d'artificiel dans cet accroissement de leurs individus. Pendant quelques heures, ils vivaient de l'impulsion reçue. Puis elle s'épuisait, laissant en eux le vide et leurs êtres dépossédés aspiraient à Fauvarque.